Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. By Night dans ce petit bloc des années 80 qu'on dédie à notre bon ami Nicolas Ducharme. C'est pour toi ça, t'aimes ça cette musique-là. Nuit par nuit. Nuit par nuit. Oui, garde de sécurité, nuit par nuit. On vient après la pause avec Stéphanie Gagné, ton plat favori. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Ah, c'est fou la rougeuse. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Assemblage requis jusqu'à 9h. On réaccueille Stéphanie Gagné, voici ton plat favori. Salut Stéphanie! Ah! La bonjour! La chronique malajubesque. Oui! Malajubesque.

Sans intro, je comprends rien. Donc, Nicolas Ducharme de l'Inconduit de Parti qui est avec nous pour parler de sport parce que son émission nous suit à 9h. Quoi de neuf, Nick? Écoutez, en fin de semaine, c'était une grosse fin de semaine de sport et vraiment, là, on a plusieurs choses à parler. En plus, l'émission va être un petit peu plus longue ce matin. Oui, 2h30 à peu près. 2h30 à peu près, là, vu que c'est le débat politique là, à la GE avec tous les candidats moins un. On va étendre ça ce matin, mais on a beaucoup de nouvelles. Tout d'abord, on va y aller avec les Cataractes de Shawinigan qui ont forcé un 7e match hier. Wow! J'ai pas grand chose d'autre à dire que wow, je veux dire, la performance des Cataractes de revenir d'une série où est-ce qu'on était 1-3 puis être rendu à 3-3, félicitations. Et hier encore, ils ont prouvé qu'ils sont une excellente équipe de hockey. J'y étais et je peux vous dire que on peut être très content de sa troupe là, du côté d'Éric Veilleux. Et puis là, ils s'en vont à Québec? Ils s'en vont à Québec. Ça se passe mardi. Quoi? Demain? C'est demain, mardi soir, à 19h, là, du côté du Colisée de Québec. Je sais qu'il y a deux autobus qui sont organisés pour aller là. Qui partent de Shawi? Oui, qui partent de Shawi. Il faut rejoindre Denise, bien sûr. Là. Denise, je n'ai pas l'information, là, mais son numéro de téléphone. Mais la fameuse Denise, la présidente du fan club de Shawinigan. Et on parlait même peut-être. C'était mentionné hier qu'on pourrait diffuser le match sur écran géant au centre Bionès. Oh. Entrée gratuite pour les gens et patati patata. Donc, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Si j'ai des nouvelles là-dessus pendant l'émission, on vous en parle. Là. Je vais lâcher un mot là-dessus, bien sûr. Là. À part de ça, on parle du Canadien de Montréal, 2-0. Y a-tu quelqu'un qui comprend ce qui se passe? Pas moi. Félicitations aux Canadiens qui dominent de bout à bout les Bruins de Boston. Absolument, c'est assez impressionnant. C'est incroyable. Ouais. Qui l'eût cru à date? Ben oui, je veux dire, c'était une possibilité. Je veux dire, j'ai dit Canadien en 7, mais sûrement pas le Canadien aussi rapidement que ça. On est habitué de les voir venir de l'arrière dans les séries, là, surtout. Là. Et puis là, on s'en va à Montréal en plus. Ça vient à Montréal, ça va être la folie ce soir. Il va se vendre des hot dogs, des caisses de bière. Tout le monde va caller off demain au travail. Je vous vois, je vous autres. Moi, tu sais très bien que ça va être ça mon excuse. Hein, ouais, c'est ça. Moi, les Canadiens, là, grand fan. À part de ça, écoutez, on va parler de poker. C'est rare, mais il s'est passé un événement assez grave dans le monde du poker vendredi. Trois sites assez majeurs qui ont été accusés de fraude, blanchiment d'argent. Ouais. Donc, on va glisser un mot là-dessus. Parce qu'il y a des gros qui commanditent, tu sais, il y a souvent des commanditaires. Ouais, Poker Stars, c'est ça. Assez gros, là, que donc les joueurs américains ne peuvent pas jouer. Donc, on en parle tantôt. On va parler aussi du possible, très possible déménagement des Jets de Winnipeg, des Coyotes de Phoenix vers Winnipeg. On retournerait où est-ce qu'on était il y a 15 ans. Donc, ça serait assez choquant, merci. Est-ce qu'ils s'appelleraient comment les Jets? J'ai l'impression. Oui, le même logo. Peut-être pas le même logo, là. On renipe ça un peu. Même Amphithéâtre, ils n'ont pas rien construit. Ta maison a brûlé, mais tu l'as rénové et tu remets une peinture dessus. Oh non, c'est pas le même amphithéâtre, par exemple. Là, le MTS Center, qui est un aréna qui est neuf depuis, qui a été construit début 2000, si je ne me trompe pas. Qui sert à quoi? Qui sert à faire des spectacles? Là, ben là, c'est 15 000 places. 15 000 places? C'est pour le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine de hockey. C'est pas énorme non plus? C'est pas énorme. Beaucoup de loges. On dit qu'on pourrait... Semble-t-il que l'aréna a été construite de manière à ce que, pour une somme d'environ 60 millions, on puisse lever le toit et rajouter 2 500 à place. Donc, on tombe à 17 500 pour une ville comme Winnipeg, ville du sommeil. Il se passe pas grand-chose là. Hein? Les joueurs des Coyotes de Phoenix n'ont pas le goût d'aller à Winnipeg. Là. Non, c'est en tout cas, on en parlera tantôt. Là, mais à part de ça, j'ai des petits... La course automobile, la chronique soccer à Phil et... plein d'autres sujets là, qu'on parle ce matin là, à l'Inconduit de Parti. Et c'est jusqu'à 11h30. 11h30 aujourd'hui. Ce matin. Édition spéciale plus longue qu'à l'habitude parce qu'on disait à 11h30 environ, ça va être le débat des candidats au poste de député fédéral de la circonscription de Trois-Rivières. L'événement est présenté par l'AGE UQTR et par C'est fou 89.fm. Le débat se passe en direct à la Chasse-Galerie de 11h30 à 12h45. Ça va être diffusé sur nos ondes. Les représentants du Bloc québécois, Paul Brunel, du Parti libéral du Canada, Patrice Mangin, du Nouveau Parti démocratique du Canada, Robert Aubin et du Parti vert du Canada, Louis Lacroix, vont échanger sur les différents thèmes qui préoccupent la Mauricie, la population de Trois-Rivières. Donc, le représentant du Parti conservateur est le seul manquant, Pierre Lacroix, qui a refusé l'invitation à ce débat-là. C'est très plate. Et voilà. Donc, c'est à 11h30 tantôt. Pour l'instant, nous, c'est la fin d'Assemblage requis pour ce lundi matin. On va se retrouver demain matin à 7h avec la présence d'Émilie Gauthier et sa chronique plein air. Oui, tout à fait. Sa dernière de la session, évidemment. Oui, certainement. Et demain, on n'a pas de chronique là, juste là. Non, ça c'est mercredi. Oui, de toute façon, c'est mercredi. C'est ça. Demain, par contre, on a Marie-Pierre Laforge-Bourret demain. Ouais! Avec sa chronique littérature. C'est vrai. Voilà, donc c'est demain entre 7h et 9h. Restez à l'écoute pour les comptes de partie, pour le débat. Et puis plus tard en après-midi, vous aurez l'occasion de réentendre des choses que vous avez peut-être ratées. Les betteraves hurlantes, on se la joue et la saveur du moment. À 16h, vous retrouvez La Voix est libre avec de la musique variée et du bonheur. Passez une excellente journée. Bonne émission, Nicolas. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à Stéphanie Gagné. Merci à Audrey Tremblay. Merci à toi, François-Olivier Marchand. Merci à Mathieu Plante aussi. Et bye-bye. Bye-bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.